tout en fond de cœur, 18h-20h ce dimanche. On se quitte avec Jessica Percé, Zoro Chang, Gaïa, Zones of Tut, le yin et le yang. Message pour le père. Le yin et le yang. Sa vocalité, sa baille. Même si des fois la vie donne pas l'espoir, il faut pas pour salir sur le trottoir. Et puis crois-moi la vie. Et puis crois-moi la vie. Et pourquoi tout ça? Ne peut pas garder le yin, ou jette le yang. Ne peut pas garder le yang, ou jette le yin. Là même le doute y installe. Nous vivons dans l'évolution. Nous oublions même nos traditions. Tout y devient infernal. Il faut garder le moral. On aura toujours des riches et sales, les misères comme fait noir avec la lumière. On aura toujours la tentation pour défier la raison. Mais faut l'esprit l'éclaire. En faisant le bien des fois nous fait le mal. Le cœur, nous n'aura beau essayer de comprendre, mais c'est un mystère. À force, pense trop dollars, tu finis dollars. En sautant dollars, tu finis cochard. Comme des fois, nous l'a besoin la foi. Gaïa Zone, vous êtes tout à l'écoute de la première. Il est 10h, le journal de France Info. Et l'info à 8h, c'est Mathilde Munoz. Bonjour Mathilde. Bonjour. Les grandes semaines sont à Jérusalem ce matin. Presque une centaine de dirigeants venus pour les obsèques de l'ancien président israélien Shimon Peres. La bataille de Mossoul est lancée. Les rafales françaises sont entrées en action contre l'État islamique il y a moins de 2 heures. Plus d'un million de visiteurs attendus au Mondial de l'Auto qui ouvre ses portes demain à Paris. C'est le plus grand salon automobile du monde. Et il est pourtant boycotté par plusieurs grandes marques. Et puis ouvrez bien grand vos oreilles. Un groupe de rock culte fait son retour. Les Pixies sortent un nouvel album et ça sonne comme il y a 30 ans. France Info. Mais on commence, Mathilde, avec cette information du service politique de France Info. François Hollande va réduire les avantages des anciens présidents de la République, toutes ces faveurs qu'ils ont en quittant l'Élysée. Précision importante, cette décision ne sera pas rétroactive, elle ne s'appliquera qu'à lui et à ses successeurs, pas à ceux qui l'ont précédé. Louise Baudet, c'est vous qui avez eu connaissance de cette information. François Hollande doit se décider en début de semaine prochaine. Mais d'après nos informations, la messe est dite, le président va publier le décret concocté par les patrons de la Cour des comptes et du Conseil d'État. Décret qui prévoit de réduire les avantages des ex, 2 policiers pour leur protection rapprochée, 1 appartement de fonction meublé, 2 domestiques pour s'en occuper, 1 voiture avec chauffeur, 7 collaborateurs, 1 dotation annuelle de 65 000 euros, soit au total 10 300 000 euros par an. Voilà 2 ans que le fameux décret demandé par François Hollande sommeille dans les tiroirs de l'Élysée. Mais une décision du Conseil d'État rendue avant-hier va accélérer les choses. Reste un problème de taille, comment communiquer sur le sujet? L'occasion est toute trouvée. Un discours jeudi prochain à l'Assemblée sur les institutions et la démocratie. Mais ce serait braquer les projecteurs sur les avantages d'un ex-président Chirac au plus mal et d'un autre Sarkozy, candidat à la présidentielle. Ça pourrait être mal interprété. Du coup, une publication discrète au journal officiel est également envisagée. L'inversion de la courbe du chômage, les Français n'y croient plus. C'est ce qui ressort d'un sondage très mauvais pour François Hollande. 9 Français sur 10 sont persuadés que la courbe ne se retournera pas d'ici la fin du quinquennat. Et 8 sur 10 pensent que le président devrait d'ores et déjà renoncer à se présenter. Cette enquête Odoxa pour France Info a été réalisée par Internet hier et avant-hier auprès d'un échantillon de 992 personnes. François Hollande et Nicolas Sarkozy dans le même avion hier soir. Le président français et son prédécesseur sont partis ensemble aux obsèques de Shimon Peres à Jérusalem. L'ancien président israélien va être inhumé ce matin au cimetière du Mont Herzl. Bonjour Jérôme Jadot. Vous êtes Bonjour. Sur place pour France Info. La cérémonie va bientôt débuter. Ouais, sur ce mont Herzl qui domine Jérusalem et sur lequel sont enterrées les grandes figures du pays, un vaste chapiteau blanc a été érigé pour protéger les 5000 convives d'un soleil déjà franc. Deux écrans géants encadrent une tribune entourée de drapeaux frappés de l'étoile de David. Le cercueil de Shimon Peres devrait arriver ici dans une trentaine de minutes, transféré depuis le Parlement dans une ville dont de larges pans sont totalement bouclés. Ah, on a perdu Jérôme. Par des patrouilles cynophiles, 8000 policiers mobilisés, des arrestations préventives aussi pour assurer la sécurité des plus de 90 délégations internationales. Une cérémonie, oui, sous très haute sécurité et avec quelques paradoxes, Jérôme. Oui, puisque ce sont les adversaires politiques de Shimon Peres qui vont lui rendre hommage, Benjamin Netanyahou en tête. Les trois plus hauts personnages de l'État d'Israël sont en fait tous issus du Likoud conservateur, alors que Shimon Peres a passé l'essentiel de sa carrière sous la bannière travailliste. Le leader de l'opposition de gauche n'a pas été autorisé lui à prendre la parole. Autre paradoxe, il aura fallu attendre la mort de Shimon Peres pour que le président de l'autorité palestinienne y remette les pieds ici en Israël. 6 ans que Mahmoud Abbas n'était plus venu ici. Éventuelle poignée de main avec le Premier ministre israélien ne relancera de toute façon pas un processus de paix au point mort. Au-delà de sa famille et de ses amis, les mots les plus sincères viendront peut-être finalement de l'étranger. Bill Clinton, par un des accords d'Oslo, saluera celui qui les avait négociés. Et c'est Barack Obama qui clôturera les hommages à celui qu'il appelle son ami Shimon. Jérôme Jadot, envoyé spécial de France Info à Jérusalem avec Fabien Gosset pour les moyens techniques. L'opération visant à libérer Mossoul a débuté. La coalition internationale a lancé une offensive ce matin. La France y participe. 8 rafales ont décollé du porte-avions Charles de Gaulle. Mossoul est le dernier grand bastion de l'État islamique en Irak. La ville est tenue par les djihadistes depuis un peu plus de 2 ans. Les heures de Rosetta sont comptées. La sonde européenne va s'écraser aujourd'hui sur la comète Chury qu'elle a observée pendant 2 ans. C'est la fin d'une mission lancée il y a 22 ans pour mieux comprendre comment se sont formées la Terre et les autres planètes. Il est 8h05, presque tout pile. Les récentes affaires de pédophilie dans l'église ont sans doute provoqué un déclic. Ouais, le tabou est visiblement en train d'être brisé. France Info vous dévoile un chiffre impressionnant. Depuis le mois de novembre, 400 personnes se sont manifestées auprès de l'association lyonnaise La Parole Libérée. Elles disent avoir été victimes de prêtres pédophiles parfois il y a très longtemps. La tempête tropicale Matthew est passée. L'alerte a été levée en Martinique, mais il y a encore des foyers privés d'eau et d'électricité. Après 2 jours de fermeture, la moitié des écoles rouvrent aujourd'hui, 100% la semaine prochaine. Voilà plus de 100 ans que le Mondial de Paris rassemble les passionnés de voitures. C'est le plus gros salon de l'automobile du monde. 1 250 000 visiteurs lors de la dernière édition. Il y a 2 ans. Il ouvre ses portes demain au grand public. 200 marques sont représentées, mais plusieurs grands noms manquent à l'appel, Solène Lehen. Mazda, Ford, Volvo, Rolls-Royce, Bugatti, ils sont près d'une dizaine de constructeurs automobiles à avoir fait l'impasse sur cette édition. Jean-Claude Giraud, le commissaire général du Mondial, minimise pourtant le phénomène. Moi, si je cite les 200 exposants qui sont présents, on en a pour 1 heure d'émission. Selon certains constructeurs, le Mondial, c'est trop cher. Pour instant, il faut compter 180 euros le mètre carré hors taxe. Ah, vous savez, j'ai une grande carrière commerciale derrière moi et tous les interlocuteurs m'ont toujours dit qu'on est toujours trop cher. C'est vrai que ça coûte de l'argent, mais s'ils viennent, c'est certainement qu'ils ont un retour sur investissement. Pour d'autres constructeurs absents, le salon, c'est un concept dépassé pour vendre des voitures. Jean-Claude Giraud a réponse à toutes ces critiques. Il y a 2 ans, un visiteur sur 4 était acheteur. Il y a un marché qui est en expansion en France. Le marché sera en progression en 2016. Donc ce qui veut dire renouvellement, ça veut dire acheteur. Lors de la précédente édition, il y a 2 ans, le Mondial de l'Auto avait attiré 1 200 000 visiteurs. Compte tenu du contexte des attentats et de la baisse du tourisme, les organisateurs ne se fixent pas d'objectifs pour cette année. Solène Lehen, France Bleu à Paris pour France Info. Amnesty International profite de ce salon pour accuser les grands constructeurs automobiles de faire travailler les enfants. D'après l'ONG, plus d'une voiture électrique sur 2 utilise pour ses batteries du cobalt extrait par des enfants en République démocratique du Congo. Allez, du football avec Nice qui a pris une claque hier en Ligue Europa. 2e défaite en 2 matchs et elle est sans appel. 5-2 sur la pelouse des Russes de Krasnodar. De son côté, Saint-Etienne a réussi à arracher le nul. 1-but partout contre Anderlecht en toute fin de match. Allez, vous reprendrez bien une tranche de rock des années 90, ça va tous nous réveiller. Les Pixies sortent un nouvel album, Head Carrier, et après un long passage à vide, ils ont retrouvé l'inspiration. Yann Bertrand. Les Pixies, c'est 30 ans d'histoire du rock, groupe culte mais productivité limitée. Voici seulement leur 6e album. Il faut faut dire que les 10 ans de séparation n'ont pas aidé. Deux ans après leur fade album de retour, ce nouveau disque est percutant, puisant dans le son du passé avec l'énergie du présent. Le chanteur et guitariste Frank Black. We're not obsessed with sounding like... Nous ne sommes pas obsédés par le passé, tout comme nous ne disons pas « voici notre nouvelle déclaration définitive, notre nouveau son ». On ne risque pas de s'imiter parce que je pense que nos égos sont bien assez forts pour ça. I think our ego is strong enough. Vieux Pixies, oui, destiné à faire revivre sur scène une musique qui n'appartient qu'à eux, avec une nouvelle bassiste, Paz L'Enchantin, pour redonner du souffle à ces légendes du rock. Being called legendary has many meanings. Il y a plusieurs sens au mot légende, et le premier qui me vient, c'est « Ah, vous êtes plus vieux !» Alors, point de vieux pot, la confiture des Pixies a toujours autant de goût. Et si vous en voulez encore plus, si l'album ne vous suffit pas, vous pouvez profiter de leur passage à Paris. Ils seront au Zénith le 23 novembre et il reste des places. Mathilde Munoz pour les infos. Merci beaucoup, il est 8h08, l'œil sur le ciel. Bonjour à tous, vous écoutez Réunion Première, il est 10h09. La météo vous est présentée par Miadao, ménage, repassage, jardinage à domicile sur www.miadao.fr. Les pitons conservent aujourd'hui un bon ensoleillement, beau temps également dans la région ouest, un peu plus nuageux sur l'est. Pour cet après-midi, il fera beau du côté de Saint-Leu. Les nuages seront sur les pentes et puis du gris dans le secteur de la Petite France. La météo vous est présentée par Miadao, ménage, repassage, jardinage à domicile sur www.miadao.fr. Aujourd'hui, sur l'hippodrome de Vincennes, dans la deuxième pour le prix Austria, et pour un montant de 5 950 000 euros. Voici les pronostics du winner du GIR. Le 17, 14, le 8, 18, le 2, le 7, le 16 et le 3. 17, 14, 8, 18, 2, 7, 16 et le 3. Et puis hier, dans la troisième course, il fallait trouver le 18, le 8, le 10, le 4 et le 7. 13, 8, 10, 4 et le 7. Le numéro plus, le 0805. Pour votre dernier rendez-vous de la semaine, on s'intéresse aujourd'hui à l'acte notarial. Pourquoi consulter un notaire ? Est-ce que vous avez déjà pris rendez-vous avec un notaire ? Vous avez besoin de conseils ? À quel moment, surtout, faut-il rencontrer le notaire ? Et si vous souhaitez en savoir plus sur la donation-partage, que signifie garder l'usufruit ? Et puis, on parlera aussi des droits des héritiers. Si les membres d'une famille ne sont pas d'accord sur un partage, que faire ? Est-il nécessaire de faire un contrat de mariage ? Comment rédiger un testament ? Ce sont là quelques questions, évidemment. Évidemment, vous en avez d'autres pour notre notaire, Jérôme Sidney, maître Jérôme Sidney. Vous composez le 02 62 99 2000 et puis des questions par SMS au 06 92 70 2000. 10h midi, les experts avec Claude Montané. Grand matin, veille à ma commission, dès le soir, on Un auteur est à votre écoute jusqu'à 11h30 sur la première. Merci de composer le 02 62 99 2000 pour poser toutes vos questions. Autre possibilité de réagir par SMS au 06 92 70 2000. Première. 16h, 18h, le bon tempo avec David. Ils font la réunion. Ils ont rendez-vous dans le bon tempo sur Réunion Première. Acteurs du monde culturel. Les artistes de la Réunion à l'honneur. Sportifs, associations, jeunes entrepreneurs, réunionnais du monde. Donc, l'idée, c'est de pouvoir faire se rencontrer. Le rendez-vous détente de votre après-midi. Le bon tempo avec David, du lundi au vendredi, de 16h à 18h sur Réunion Première. Ce vendredi, jackpot Euromillion de 130 millions d'euros minimum. Alors, imaginez. Comme tous les week-ends, vous jouez de la musique. Sur un piano à queue blanc. Sur un piano à queue blanc. Accompagné de l'orchestre symphonique que j'ai fait venir chez moi. Puis vous composez. Un opéra intitulé Je kiffe grave. Ah oui. Je kiffe grave. Euromillion My Million. Imaginez 130 millions d'euros minimum à Euromillion. À partager au rang 1, voire règlement. FDJ. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13, appel non surtaxé. Des cases à lire partout sur l'île pour lutter contre l'illettrisme. L'objectif, se réconcilier avec la lecture, l'écriture ou encore le calcul grâce à des activités de loisirs pratiquées gratuitement dans un endroit familier. Pour connaître la case à lire la plus proche de chez vous ou pour plus de renseignements, appelez le 0800 111 035 ou rendez-vous sur le www.regionreunion.com. Les experts, vos questions au 02 62 99 2000. Vos SMS au 06 92 70 2000. Il y a un notaire qui est à votre écoute sur la première. Maître Jérôme Sidney est à nos côtés. Bonjour. Bonjour Claude. Merci d'être avec nous ce matin. Un mot quand même sur les rencontres notariales qui débutent demain. Alors demain, dans toutes les mairies de Lille, à l'exception de trois communes qui sont Sainte-Rose, Saint-Philippe et Étang-Salé, les notaires réunionnais se déplacent pour répondre aux questions des réunionnais. De 9h à 13h demain matin, vous aurez donc des permanences dans toutes les mairies et vous pouvez venir nombreux pour poser vos questions, bien évidemment. Comme d'habitude, les renseignements donnés par les notaires sont gratuits. Consultation gratuite. Consultation gratuite, bien évidemment. Alors les gens se déplacent en masse à chaque fois ? Oui, à chaque fois c'est un franc succès. Oui. Beaucoup de monde se déplace. Les années précédentes, les consultations se faisaient dans les études, en fin de soirée, enfin en fin d'après-midi. Et cette année, nous avons décidé de refaire, comme il y a plusieurs années, le samedi, pour permettre aux gens de pouvoir se déplacer et venir poser leurs questions. Alors c'est de 9h à 13h. Tout à voilà, fait. Soyez à l'heure, s'il vous plaît, c'est important. Oui, surtout nous. N'allez pas chez le notaire parce que ça se passe en mairie. Voilà, c'est en mairie, il y aura des permanences. Les mairies ont mis à disposition des bureaux et nous allons donc donner nos consultations dans les mairies. Alors, j'ai la liste évidemment des mairies, ça va se passer à Saint-Benoît, notamment à Saint-Benoît, c'est à la médiathèque Antoine Roussin, à Saint-Joseph, c'est la maison de justice et de médiation. Vous serez où, vous, maître Jérôme? Saint-Pierre. Saint-Pierre. Saint-André à la mairie principale, donc salle du conseil, à Salazie au pôle multiservice, c'est face à la mairie principale, à Saint-Denis, c'est dans l'ancien hôtel de ville, donc retenez les horaires, c'est de 9h à 13h, à Brapanon à la mairie principale, à la salle du conseil, même à Sillaos. Tout à fait, dans même le à Sillaos. Voilà. Les notaires se déplacent jusqu'à Sillaos, effectivement. Ce sera la mairie principale, la possession en mairie, le tampon également en mairie, à la plaine des Palmistes à la mairie, Saint-Paul à la salle des conférences, au 34 boulevard Front de Mer, et puis à Saint-Pierre, la mairie annexe de Terre-Sainte, Saint-Louis, la mairie principale, la salle d'honneur, et puis Sainte-Suzanne, mairie principale, l'entre-deux à la mairie, Saint-Leu, mairie annexe, Petite-Île en mairie, Sainte-Marie également en mairie, Trois-Bassins pareil en mairie principale, les avions accueilliront à la nouvelle salle du conseil municipal, le port à la mairie. Donc voilà, vous allez vraiment couvrir quasiment toute l'île. Oui, bien sûr. Et pour les gens donc, qui oublieraient la liste que vous venez d'évoquer, il est possible ce matin de retrouver dans les journaux un encart avec un rappel sur les localisations des consultations demain matin. Alors oui, alors là, la question que tout le monde se pose aussi, mais pourquoi consulter un notaire, maître Jérôme Sylvain ? Pourquoi consulter un notaire ? Parce que tout au long de sa vie, le notaire accompagne les familles, accompagne les professionnels dans leur questionnement juridique, dans la réalisation des actes qu'ils préparent et qu'ils font signer aux clients. Oui. Donc, il ne faut pas hésiter à poser des questions. Nous avons des questions qui peuvent passer de problèmes familiaux, de partage, comme vous l'évoquiez tout à l'heure, de vente immobilière, de plus-value, de société, de contrat de mariage, oui, de donation. Le notaire est un peu un généraliste du droit. C'est-à-dire que nous avons une vision d'ensemble, en général, du patrimoine des familles ou des professionnels ou des entrepreneurs. Et le notaire intervient à tous les stades de la vie, en gros, de la naissance jusqu'au décès. On l'a pour la vie. Oui, on l'a pour la vie. Ouais. Marie du Tampon qui nous dit « Nous sommes héritiers de la maison de nos parents et souhaitons la mettre en vente. » Alors, la question qu'elle pose, quels seraient les frais qu'on aurait à payer, s'il vous plaît ? Alors, les frais vont être calculés en fonction de la valeur du bien immobilier. Dans le cas de Marie, on aura donc les frais de succession, c'est-à-dire suite au décès des parents, on doit transmettre les biens du patrimoine des parents décédés au patrimoine des enfants. Donc, ça donne lieu à l'établissement de formalités et d'actes notariés dans le cadre de la succession. Les frais sont calculés en fonction de la valeur du bien immobilier transmis. Concernant la vente, pour Marie, c'est l'acheteur qui paiera les frais d'acquisition. En France, c'est l'acquéreur qui paye les frais d'acquisition. Et donc, si vous voulez, ces frais sont également calculés par l'État. C'est l'État qui détermine les honoraires du notaire. C'est pas le notaire. Hein. Bien sûr, ce n'est pas le notaire qui détermine ces frais. C'est l'État qui détermine, en fonction du prix ou de la valeur du bien immobilier, les honoraires du notaire, c'est-à-dire la rémunération du notaire pour le travail qu'il effectue dans le dossier, et les taxes qui sont perçues au profit de l'État. Tout ça est très légal et très encadré. Nous sommes inspectés tous les ans pour vérifier que nous respectons bien les obligations légales en la matière. Maître Jérôme Sylvain qui répond à toutes vos questions. Nous irons dans un instant vous retrouver au standard de la première. Mathias est en train de vous écouter au standard. Et puis on aura évidemment les questions par SMS aussi au 06 92 70 2000 sur la première. Right from the start, you were a thief, you stole my heart, and I, your willing victim. I let you see the parts of me that weren't all that pretty, and with every touch you fixed them. Now you've been talking in your sleep, oh, oh, things you never say to me, oh. Oh, tell me that you've had enough of our love, our love. Just give me a reason, just a little bit's enough. Just a second, we're not broken, just bent, and we can learn to love again. It's in the stars. Maître Jérôme Sidney, notaire, répond à toutes vos questions sur Réunion Première. 10h midi, les experts avec Claude Montané. Marie-Claude, bonjour. Bonjour Claude, pour ton émission qui nous guide. Merci, merci à vous Marie-Claude. Vous habitez le Port, c'est ça? Oui. Et vous avez une question... Maître aussi, maître... Oui, bonjour, maître Jérôme madame. Sidney. Vous avez une question pour notre notaire, allez-y. Oui, voilà. Comment j'ai hérité un terrain... En fait, en train de faire, c'est en cours. Hein. Un terrain de 800 mètres carrés que ma tante n'a pas d'enfant, elle donne à sa nièce et ses petites nièces. Et donc, moi, je voudrais savoir en quoi consiste un devis pour les frais de notaire. C'est la banque qui demande. Alors, le devis pour donc le notaire, c'est ça? À mon sens, suivant vos explications, je pense que la banque doit avoir besoin de savoir combien vont coûter les frais de transmission par la tante au profit des neveux et nièces, c'est ça? C'est ça. Alors, il faut savoir que ce coût est relativement élevé. Oui. Puisque l'État, lorsqu'une tante transmet des biens à son neveu, c'est quasiment la même taxation qu'entre étrangers. On est sur un montant de taxes pour l'État compris entre 45 et 55% de la valeur du bien transmis. D'accord. Donc ça représente une somme vraiment importante et c'est pour ça que la banque doit vouloir chiffrer le coût de la transmission. Oui. Comme je l'expliquais tout à l'heure, en fait, le montant des frais, les honoraires du notaire sont chiffrés par l'État et le montant des taxes sont également, est également chiffré par l'État. Donc il faut que vous preniez contact avec un notaire qui va valoriser, qui va estimer le terrain. Et en fonction de la valeur du terrain, eh bien, vous aurez un calcul de frais qui sera très simple à effectuer par le notaire. D'accord. Alors vous savez aussi, Marie-Claude, puisque vous êtes sur le port... Oui, j'entends. Voilà, ça. Vous avez entendu que demain, de 9h à 13h, vous pouvez rencontrer un notaire, notamment à la mairie principale, en salle de conseil. Oui, ça va m'éclairer, je vais emmener tous les dossiers. Alors, si je peux me permettre, Claude, pour le calcul des frais, ce n'est pas demain lors des renseignements. C'est pas demain qu'on va lui donner le renseignement, mais si elle souhaite en savoir plus. Oui. Voilà, madame pourra en savoir un peu plus, mais pour le calcul des frais, il faudra vraiment qu'elle se déplace dans une étude que le notaire puisse voir l'acte, peut-être se déplacer sur le terrain pour estimer le terrain et ensuite voir avec son service comptable pour chiffrer le montant des frais. Ah, d'accord. Voilà. Comme ça, alors. Oui. Donc, oui, mais ça dure en combien de temps à peu près? Ah, ben si vous appelez aujourd'hui ou lundi, vous aurez un rendez-vous dans les jours ou dans les semaines qui viennent et vous aurez un montant, une provision sur frais rapidement, madame. Oui, alors, c'est important de le savoir aussi. Lorsqu'il faut prendre rendez-vous avec un notaire, il faut attendre longtemps ou alors non? En général, on est sur quelques jours à une semaine ou deux, oui, bien sûr. Très bien. D'accord, merci beaucoup. Voilà, merci, madame. Marie-Claude. Oui. Merci. Merci, vous aussi, bonne journée. À bientôt. Merci, au revoir. À bientôt. Alors, on nous pose la question suivante. Marine de Brapanon qui nous dit par SMS, si vous pouvez nous expliquer les avantages, enfin le fonctionnement, avantages aussi de la SCI. Alors, une SCI, c'est une société civile immobilière. Donc, c'est une société qui va avoir pour but de gérer le patrimoine immobilier qu'elle détient. Expliquer à Marine les avantages et les inconvénients d'une SCI comme ça lors d'une émission, ça va être un petit peu laborieux et un petit peu ennuyeux pour les auditeurs. Il faut qu'elle se déplace pour voir si, dans son idée de montage juridique, la SCI est une bonne chose. La SCI peut être un outil de transmission, c'est-à-dire la SCI peut servir à conserver un bien dans la famille, à organiser la gestion du bien dans la famille. La SCI peut servir à plusieurs choses, mais... À l'inverse, ne pas faire de SCI, parfois, peut être plus simple et peut être un moyen de transmettre qui correspond mieux aux souhaits des familles. Exemple type, si vous avez des enfants et que vous avez plusieurs biens, certaines personnes souhaitent mettre tous les biens dans la SCI. Sauf que, au fur et à mesure de l'avancement de la vie des enfants, qui vont donc être propriétaires de parts dans cette société qui elle-même détiendra les terrains, eh bien... À un moment de leur vie, peut-être que l'un des enfants va avoir besoin de vendre le bien pour acheter autre chose. Et si c'est en SCI, ça peut être compliqué. Alors que si on lui a donné à lui un terrain propre, un bien, que chacun des enfants a reçu un bien, chacun pourra faire un petit peu ce qu'il veut. Donc la SCI, c'est bien, mais à user avec modération. Et il faut voir le notaire pour savoir quel est le montage idéal pour arriver au but souhaité. Isabelle de Saint-Joseph, mon père est décédé depuis 2010. Nous n'avons pas fait de droit de succession. Quelle démarche faut-il faire et surtout combien ça va coûter ? Combien ça va coûter, comme je l'expliquais tout à l'heure, les frais sont fixés par l'État, tant pour la rémunération du notaire que pour les taxes perçues au profit de l'État. Et c'est la valeur des biens qui composent la succession du papa de cette auditrice qui vont servir à calculer les frais. Donc il faut qu'elle prenne contact avec un notaire, qu'elle se déplace avec ses actes notariés et qu'elle vienne en étude voir le notaire qui va calculer quels sont les frais qu'elle a à régler avec les autres héritiers, avec ses frères et sœurs. Alors, on nous pose aussi la question suivante. Est-ce que c'est nécessaire de faire un contrat de mariage, Maître Jérôme Sidney ? Encore une fois, comme pour la SCI, le notaire, c'est un peu un artisan du droit, comme je vous l'expliquais tout à l'heure. Artisan du droit veut dire qu'on va analyser chaque cas et dire aux auditeurs, oui, c'est nécessaire de faire un contrat de mariage. Non, c'est pas une solution. Pour certaines personnes, ça va être nécessaire. Pour d'autres, ça ne le sera pas. En fonction de la famille, en fonction des enfants, en fonction des remariages, en fonction des biens qu'on possède, en fonction de la profession qu'on exerce. Oui, ça peut être utile. Dans d'autres cas, ce n'est pas forcément nécessaire. Alors, c'est normal qu'après un divorce, parfois ça dure des années, 10, 15, 20 ans pour régler un souci, pour régler un problème, pour faire un partage de biens, une maison, des biens immobiliers. C'est normal que ça traîne parfois comme normal ça. Normal n'est pas le terme qui correspond. Habituel, oui. Habituel est plus le terme à utiliser, puisqu'en fait, si vous voulez, souvent on nous reproche à nous, notaires, de faire traîner les dossiers de mariage ou les dossiers de divorce, pardon, ou les dossiers de succession. Mais bon, si ça ne se signe pas chez le notaire, c'est en général parce que les familles ne s'entendent pas dans l'attribution des biens. Les divorces, parce que les couples, en général, dans beaucoup de cas, quand les dossiers traînent, c'est que les personnes se déchirent. Pour les enfants, pour les prestations compensatoires, pour le partage des biens, pour les indemnisations. Et au final, tant que les parties ne sont pas d'accord, seul un tribunal est en mesure de les mettre d'accord. Quand on est propriétaire d'un bien à plusieurs, quand on est en indivision, ça arrive régulièrement à La Réunion, souvent les familles, les parents laissent plusieurs marmailles et le partage ne se fait pas parce que les gens ne s'entendent pas au bout de 5 ans, 10 ans. Eh bien, la seule solution, c'est d'aller au tribunal et de faire un partage. Via le tribunal, un partage judiciaire, puisqu'il n'y a pas d'autre solution. Et ça peut mettre des années. Il y a du monde au standard de Réunion Première au 02 62 99 2000. 10h midi, les experts avec Claude Montané. Charlie de Saint-Joseph est avec nous. Bonjour Charlie. Oui, bonjour tout le monde sur le plateau. Merci d'être avec nous. Allez-y. Ouais, bonjour. J'ai une question à poser. J'ai une société dans le bâtiment. Et ma fille, c'est mon deuxième bras droit. Oui. Ouais, voilà. Mais elle était récemment sur l'île avec moi à La Réunion. Maintenant, elle est partie faire sa troisième année en métropole. Est-ce que c'est mon associé. Donc, est-ce que ça pose un problème juridique un problème judiciaire. Le fait qu'elle soit en métropole, non, il y a aucun problème. Votre société, vous avez mis votre activité en société. Vous êtes en SARL. Voilà. SARL de famille. Voilà. Ok. Non, vous pouvez normalement dans vos statuts, vous avez les possibilités de consultation à distance pour les assemblées générales. Elle peut vous envoyer une procuration. Non, il y a aucun problème pour gérer votre activité. Alors bien sûr, il faut que tout soit fait de manière carrée. Il faut que tout soit bien fait pour qu'il n'y ait pas de soucis entre vous. Non. Là-dessus, il y a pas. Moi, je voulais. La communication, c'est pas un souci. Mais je voulais savoir s'il y a pas un décalage, si juridiquement on était dans les bons droits. Voilà. Non, aucun problème pour vous. Voilà. Merci, monsieur le notaire, vous êtes Bon, on est content de la réponse. Ah oui, moi toujours content. On toujours m'appelle Réunion Première, à chaque fois, je suis le chien d'une fois, ça se rappelle de Charlie. Voilà. Oui, oui, oui. Donc, vous avez toujours les bonnes réponses. Voilà. C'est important. Non, mais c'est bon. Voilà. Non, ben, c'est bon, on me dit malin, on me dit créole, mais il ne veut pas mourir à bête. Donc, il appelle, vous savoir, voilà. Ah ben. Voilà. Et donc, on a cru entendre que c'est votre bras droit, c'est ça vous avez dit, hein, votre fille. Je vais dire, c'est mon deuxième associé, c'est mon bras, c'est ma fille, de ma première okay. fille. D'accord. Voilà. Et voilà. Et un petit point météo, il fait très beau à Saint-Joseph, il y a très peu de vent et un beau soleil. Voilà. Merci Charlie. Merci. Allez, à bientôt sur Réunion Première. Annie de Saint-Pierre, on reste dans le sud. Bonjour Annie. Bonjour. Bonjour, vous bonjour. Souhaitez parler du partage de biens, c'est ça? Oui, oui, oui. Donc je vous explique un petit peu ma situation. Donc mes parents, eux, ils ont fait le partage, ça date depuis le l'an 2000. Et comment dire, j'ai hérité la partie où ils habitent en ce moment, je dirais. Et ils ont gardé la jouissance. J'aurai plein droit sur ce bien, je dirais, un jour, à leur mort, je dirais. Et ma question, c'est, je voudrais savoir, quand, parce que c'est jusqu'au dernier vivant, je dirais, la jouissance. Quand moi, je vais prendre ce bien, est-ce que j'aurai quelque chose à payer ou pas? Alors, dans votre cas, le bien a donc été donné, les parents ont gardé la jouissance. Oui. Eh bien, au moment du décès du dernier de vos parents, vous aurez juste à faire établir chez un notaire un acte de notoriété, c'est-à-dire un acte qui reprend officiellement, qui retrace la personne décédée et ses héritiers. Et grâce à ça, on constatera donc que les personnes qui bénéficiaient de l'usufruit, qui bénéficiaient de la jouissance, vos parents, sont décédés et que vous êtes plein propriétaire. Ça coûte environ 180-200 euros dans ces eaux-là, donc vous n'aurez pas d'autres frais à payer. D'accord. Et même, je dirais, par rapport à leur bien, leur maison et tout, et les autres héritiers, ils n'auront pas alors à intervenir. Là, c'est autre chose. Bah, étant donné que le bien a été donné depuis 2000... Si le bien a été donné, si tous les biens, si au moment du décès des parents, on se rend compte que les biens ont été donnés à un seul enfant... Non, c'est pas un seul enfant. Tout le monde a eu sa part. Oui. Eh bien, si tout le monde a eu sa part et que l'acte qui a été signé est bien un acte de donation-partage, oui. Chacun a réussi et on chacun a eu son acte et sa part. Oui. Donc, à ce titre-là, il n'y a pas de raison qu'il y ait de recours entre les héritiers, puisque l'avantage de la donation-partage, c'est-à-dire d'une donation dans laquelle chacun des enfants va recevoir une part de valeur égale, eh bien, fait qu'au moment du décès, il n'y a pas de problème. Parce qu'en ce moment, eux, ils profitent, je dirais, ils ont leur bien. Oui, mais vous avez dû avoir peut-être que vous, la maison avec la jouissance, alors oui, vous n'en profitez pas, mais peut-être qu'au moment du décès, vous aurez au final une valeur plus importante que la valeur qu'eux ont reçue. Vous pensez? Bah, en fait, si vous avez la maison et qu'eux ont eu un terrain nu... D'accord, il y a la maison, d'accord? Il y a la maison. C'est le seul différentiel. D'accord. Parce que moi, en ce moment, je profite de rien, moi. C'est sûr. Mais bon. Je suis larguée dans tout ça, moi. Non, vous n'êtes pas larguée, absolument pas. Non, parce qu'on est là pour vous. Il faut savoir, surtout, madame, qu'en vous organisant, vos parents, en organisant la transmission des biens de leur vivant, vous ont fait le plus beau cadeau qu'il est possible de faire, puisqu'au niveau des frais, au niveau de toutes ces choses-là, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus économique, surtout de transmettre de son vivant. Oui. C'est plus économique et ça évite surtout beaucoup de guerres et beaucoup de tiraillements au moment du décès des parents pour les partages. Ben, d'accord, je sais. Mais je crains qu'un jour, à leur mort, on vienne me revendiquer quoi que ce soit. Il n'y a pas de raison, si je vous dis encore une fois, si l'acte qui a été signé est bien un acte de donation-partage dans lequel chacun des enfants a eu une part égale, les enfants ne peuvent rien demander au moment du décès sur ces biens-là. D'accord. Si d'autres biens ont été transmis à part, alors oui, il peut y avoir un compte pour voir si il y a rupture de l'égalité, mais sinon, il n'y aura aucun souci pour vous, madame. D'accord, et voilà. Donc, par contre, il faudra que je reparte chez le notaire Exactement. Je serai obligée d'aller chez le notaire. Vous serez obligée, comme vous dites. Ben oui, c'est obligé. Vous serez obligée. Ben, c'est obligé, madame, pour que les papiers soient bien faits. Non, quand je dis ça, c'est pas le fait d'être obligé, vous me comprenez? Je comprends, madame. Voilà, Annie. D'accord, c'est gentil. Merci. Donc ça, je ne savais pas. Je ne savais pas qu'il fallait que je reparte au notaire. Ben, il faudra forcément un acte qui constate le décès des parents. Et on parle d'acte de notoriété. Oui, je ne sais pas si vous vous rappelez, dans le temps, on parlait de certificat d'hérédité. Les mairies pouvaient faire ça. Mais en fait, il y a eu tellement d'abus. C'est fini, ça. Oui, il y a eu tellement d'abus et de déclarations qui n'étaient pas réelles que maintenant, la loi impose de faire un acte de notoriété chez le notaire. Et le notaire engage sa responsabilité sur le listing des héritiers qui sont nommés dans les actes. Marie. Merci beaucoup. À bientôt. Allez, au revoir. Courage à vous pour la suite. Oui, gardez le sourire, c'est important. C'est ce que je fais. Et c'est pas évident. Alors, ce qui est très important aussi, c'est protégez-vous. Ça, c'est normal. Oh my God. Oh. Allez, bon, merci. Et je laisse la place aux autres. Bonjour Annie. C'est Annie qui part. C'est Marie de Saint-Pierre. Bonjour Marie. Bonjour Monsieur Sidney. Bonjour Madame. Et bonjour à tout le monde aussi. Merci. Oui, bien sûr. Attendez Marie. Oui. Vous connaissez Bernard Lavilliers, le chanteur? Non. Du tout? Enfin, je connais, oui. Vous connaissez? Vous vous rappelez de ce duo avec Nicoletta, la chanteuse? Un petit peu, oui. Non, Idées Noires. Ah non. Les Idées Noires. Ouais. Alors, vous restez avec nous s'il vous plaît, c'est ce qu'on va écouter sur la première, puis on se retrouve juste après. Ah d'accord. Il se lève, c'est l'heure, il écrase son égo. Dans sa tasse de café, éteint la stéréo. Éteint le lampadaire, éteint le plafonnier. Éteint dans la cuisine, mais la sécurité. Un couloir, une porte, un lit, c'est la nuit. Quelques pistes pour dormir, je sais plus où je suis. Un store noir, une porte, un lit, c'est l'ennui. Rien à faire pour l'amour, mais ne dis pas toujours. Où es-tu quand tu es dans mes bras? Que fais-tu? Est-ce que tu penses à moi? D'où viens-tu? Un jour tu partiras. Où es-tu quand tu es dans mes bras? Je fais des mauvais rêves, je suis sur un mauvais câble. Dans la paranoïa, pas de marchand de sable. Je vois en panoramique, urgent et désirant, une blonde décapitée dans sa décapotable. Un cauchemar, highway, road trip, fumée noire. Une vente vorace tue au fond d'un couloir. J'en sors pas, cafard, bad trip, idée noire. Avalé par l'espace, au fond d'un entonnoir. Je veux m'enfuir. Je m'enfuis. Est-ce que tu rêves de moi? Je m'enfuis. Tu ne penses qu'à toi? Je m'enfuis. Tout seul tu finiras. Je m'enfuis. Quand tu es dans mes bras. Je m'enfuis. Est-ce que tu rêves de moi? Je m'enfuis. Tu ne penses qu'à toi? Je m'enfuis. Je veux m'enfuir, je veux partir, je veux de l'amour, du plaisir, de la folie, du désir, je veux pleurer, je veux rire. Je veux m'enfuir, je veux partir, je veux de l'amour, du plaisir, de la folie, du désir, je veux pleurer, je veux rire. Je m'enfuir, je veux partir, je veux de l'amour, du plaisir, de la folie, du désir, je veux pleurer, je veux rire. Souvenir Nicoletta et Bernard Lavilliers sur Réunion Première. Première. Réunion Première, le son de l'océan Indien. Est-ce que tout le monde est dans la place? Réunion Première vous invite pour Enfants Zillois, un grand concert le vendredi 7 octobre au Petit Stade de l'Est. 3 heures de show en live à partir de 20h avec l'Indigo, Désiré François et Cassia. Ça va, Réunion ? Gagnez vos places en jouant tout au long de la journée sur Réunion Première. Ce vendredi, jackpot Euro Million de 130 millions d'euros minimum. Alors, imaginez. FDJ, à partager au rang 1, voire règlement. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13, appel non surtaxé. Première. 10h midi, les experts avec Claude Montané. Alors Marie, cette transmission de patrimoine, vous êtes de Saint-Pierre. Maître Jérôme Silney vous écoute. Oui, alors je voudrais savoir pourquoi quand on transmet un terrain à un enfant, alors, hein, et au niveau du prix, c'est le même prix que quand il y a une vente ou quoi que ce soit. Ma première question. Et deuxième question, est-ce qu'on peut transmettre directement aux petits-enfants au lieu de transmettre à l'enfant, quoi? Est-ce qu'il y a une différence? Alors, pour la première question, madame... Oui. Il faut savoir que c'est, encore une fois, l'État qui détermine les modalités des frais payés chez le notaire. C'est une question de sous pour l'État. Eh ben, c'est ça le problème, madame. C'est-à-dire que si Moi, je dis, quand on transmet quelque chose à son enfant, oui. On n'est pas obligé de mettre le même prix que quand on vend à quelqu'un. C'est dans ce cas-là, l'État a un manque à gagner sur les taxes qu'il doit percevoir, puisqu'imaginez que le terrain ait une valeur de 100 000 euros et que vous le déclarez à 50 000. Ouais. Eh ben, l'État perd des taxes. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas le faire différemment. Et puis, il y a une autre raison que les gens oublient, c'est que si vous transmettez votre bien aujourd'hui avec une valeur faible et que votre marmaille, dans les années qui viennent, vende un coup le terrain, eh bien, vous allez vous retrouver à payer des plus-values importantes. Oui. C'est-à-dire... Quand on vend le terrain, on va regarder pour quelle valeur le terrain est entré dans le patrimoine du vendeur. Ouais. Si le terrain est rentré pour 50 000 dans le patrimoine du vendeur et que le bien est revendu quelques années plus tard 150 000, eh bien la plus-value est de 100 000 euros. 100 000 euros. Alors que si on avait déclaré à la bonne valeur, la plus-value n'aurait été que de 50 000. Ah oui. Donc il y a moins de taxes. Donc il y a ce côté-là aussi sur lequel il faut faire attention. Et puis, pour l'égalité entre les enfants, il faut savoir que qu'est-ce qui sert à vérifier que tous les enfants ont bien reçu une part égale. Ben, c'est la valeur du bien, la valeur pour laquelle on déclare dans l'acte. Oui. Si vous préférez... J'ai qu'une fille. Oui, mais que vous compreniez l'idée. Si vous préfériez un enfant, vous diriez à cet enfant que vous lui donnez un terrain qui vaut 50 000 pour qu'il ait un plus beau terrain que ses frères et sœurs, et aux autres, vous leur donneriez un terrain qui vaut lui réellement 50 000 euros. Donc, ça va poser souci. Maintenant, la deuxième chose pour la transmission aux petits-enfants. Oui. Alors oui, c'est possible, ça s'appelle une donation transgénérationnelle. C'est-à-dire qu'il est possible pour les grands-parents de donner directement à leurs petits-enfants. Alors il faut vous déplacer chez un notaire pour faire le calcul des frais, pour savoir qu'est-ce qui va être le plus économique et le plus intéressant pour vous. Oui, mais après, comme ma fille, elle voudrait faire un prêt... Alors, il faut donner à votre fille. Il faut impérativement, dans ce cas-là, donner le bien à votre fille. Si elle veut faire un prêt pour construire, il faut impérativement donner le bien à votre fille, puisque c'est votre fille qui va signer les papiers et qui va signer l'offre de prêt avec la banque. Ouais. Et c'est votre fille qui devra donc donner le terrain en garantie à la banque. C'est elle qui va emprunter les sous, c'est elle qui remboursera, donc il faut le donner à votre fille. Oui, c'est ce qu'elle me disait, mais moi, je voulais confirmation. Vous avez la confirmation. Vous avez la confirmation. Oui. Par contre, pour le truc de jouissance, là, est-ce qu'on peut retirer ça à n'importe quel moment? Alors oui, vous pouvez retirer ça à n'importe quel moment. Oui, il faut savoir... J'ai donné un terrain en 2010. Oui. J'aurais voulu retirer la jouissance. Est-ce que je peux faire? Alors oui, vous pouvez faire, madame. Mais pour quelle raison vous voulez retirer la jouissance? Ça ne m'intéresse plus, quoi. Oui. Alors, que ça vous intéresse plus, c'est une chose de ne plus garder la jouissance. Mais il faut savoir que quand on retire la jouissance, quand on dit « je veux juste retirer tirer la jouissance sur mon bien ou tirer l'usufruit », eh bien, il faut savoir que c'est une donation. D'accord. Donc, il va y avoir des frais. Il va y avoir des taxes. Encore, il va y avoir des frais encore et des taxes à percevoir pour l'État. Et Si vous ne faites rien et que la jouissance disparaît au moment de votre décès, ouais, il n'y a rien à payer. D'accord. Donc, dans certains cas, par exemple, quand on a un enfant qui veut construire sur un bien ou bah, qu'on a une amélioration... Elle a un projet, justement, et je ne sais pas... Eh bien, si elle a un projet, dans ce cas-là, soit vous signerez le prêt avec elle, puisque vous avez la jouissance, soit si vous ne voulez pas signer le prêt, là, vous serez obligé de lui donner la jouissance pour qu'elle soit plein propriétaire. D'accord. Et en payant des taxes. En payant des taxes. Toujours. Toujours. Ah oui, ça, c'est l'état pensé, ça. Oui, mais madame, ce qui arrive d'un côté, ça ressort de l'autre. Oui, mais moi, j'ai un peu marre de ça parce que toute ma vie, j'ai fait ça. Hein. Donner. Je sais bien. Ah oui. Mais c'est la loi. C'est la loi, et puis c'est ce qui fait l'équilibre de la société en France. Oui. Voilà, merci Marie. Merci. Et dites-moi demain, c'est à Terre Sainte. C'est la mairie de Terre Sainte. Oui, mairie de Terre Sainte, madame. Ouais. Ah, bon, mais encore une fois, comme j'ai dit à un précédent auditeur, comme j'ai dit à un précédent auditeur, si vous voulez faire calculer des frais, demain matin, ce n'est pas l'idéal. Il vaut mieux vous déplacer, chez un notaire dans son étude, c'est gratuit. Oui, oui. Il vous fera le calcul des frais. Ouais. Et vous saurez comme ça le montant exact des frais à donner. Demain matin, c'est plus des renseignements juridiques comme je fais un petit peu aujourd'hui. Aujourd'hui, d'accord. Voilà Marie. Bah, je vous remercie. Merci à vous. Et merci pour votre émission. Merci à madame. Très bientôt. Allez, les rencontres notariales, c'est demain samedi 1er octobre de 9h à 13h. On vous redonnera tout à l'heure la liste notamment de ces consultations gratuites soit en mairie ou en salle municipale. On en parlera évidemment tout à l'heure. Marc de Saint-Louis est avec nous. Bonjour Marc. Bonjour à vous. Bonjour à toute l'équipe. Bonjour Marc. Voilà, j'ai plutôt un ou deux, trois questions plutôt. Voilà, mais je commence par celle-là. Oui, allez-y. Concernant les impôts, est-ce que vous savez votre domaine à peu près? Ah ben, posez votre question, je vous dirai si je peux y répondre. Vas-y. Bon, voilà, j'ai construit, mon père m'a autorisé de construire sur une parcelle, donc voilà. Qui lui appartient. Qui lui appartient, et la maison est à mon nom, c'est à moi la maison. Alors Oui. Les impôts, c'est hyper cher, quoi. Je paye près de 2000 euros de foncier, et lui, il paye près de 1800 euros de foncier à côté. Oui. Pourquoi cette différence, en fait, c'est ça? Déjà? La différence, je sais pas plutôt la différence, mais vu que je suis pas propriétaire du terrain, donc je paye j'ai cru comprendre que je paye sur le foncier bâti. C'est à peu près ça, non? C'est ça. Donc c'est normal. Alors, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, vous avez construit sur un terrain qui appartient à votre papa. Oui, c'est ça. Quand vous avez demandé votre permis de construire, vous êtes enregistré auprès des impôts et c'est cette base qui va servir aussi à calculer la taxe foncière. Mmh. Normalement, les impôts devraient sortir au nom de votre papa, puisque c'est votre père qui est propriétaire du terrain. Oui. Vous dites que vous êtes propriétaire de la maison, mais en droit français, il y a une règle qui s'appelle la règle de l'accession, qui fait que quand on construit sur le terrain de quelqu'un d'autre, en l'occurrence le terrain de votre papa, c'est votre père qui devrait être propriétaire des constructions. Exact. Mais votre papa paye sa quote-part de taxe foncière sur sa parcelle et les impôts vous demandent à vous directement la taxe foncière sur le terrain. Oui. C'est normal. Donc j'estime que, vu le petit terrain qu'il y a, on paye peut-être 3 800 euros. Alors après, il faut voir avec les impôts, parce que peut-être... Parce que la construction a été faite à votre nom, peut-être que les impôts prennent une double taxe foncière sur la parcelle sans le savoir. Oui, je pense que c'est ça, parce que, à Saint-Louis, les impôts sont chers déjà. Et par rapport à la superficie du terrain... Le terrain fait combien de mètres carrés? Oui, c'est ça. Là. Je pense de 900, je crois. Ah bah ouais, mais 900. 3000 pour 900 sur Saint-Louis, ce serait pas surprenant. Hein. Non. Normal ou non? Normal, je ne sais pas, mais voyez avec les impôts, ils seront à même de vous dire s'il y a un problème sur la parcelle. Bah, je suis déjà parti, mais à chaque fois, on tombe chez un conseiller, et il cherche même pas à savoir à chercher, il dit c'est normal. Eh ben, s'il vous dit que c'est normal, c'est que c'est normal. Voilà, c'est bon. Alors, ça, c'est la première question, voilà, oui. Ensuite. Bon, en fin de compte, comme je vous ai dit, j'ai construit sur le terrain de mon père. Et là, on va faire, mon père va faire un partage, vu que par rapport au moment, tout le monde sera propriétaire. Et on va séparer ce terrain en trois. Donc, on estime que chacun va recevoir à peu près 300 quelques mètres carrés, 300 quelques par rapport à la superficie. Hein. On est un enfant. Oui. Et donc l'apprenti va venir, c'est en cours tout ça, hein, donc on va aller chez le notaire pour régulariser tout ça. D'accord. Mais par contre, concernant, comment on dit ça, l'acte notarial. Oui. Comme on est trois enfants, moi, en compte, avant ça, on avait déjà, on a déjà fait lancer, comment on dit ça, un projet. On a déjà, comment, payé notre acte, nous. Oui. Mais là, mais le problème, c'est que, par exemple, moi et notre sœur, on a déjà tiré notre acte et on a payé notre partie de l'acte. Oui. Et le troisième n'a pas encore payé. Donc, comment, si elle ne paye pas, est-ce que notre acte sera bloqué ? Je veux savoir ça. Alors, si votre sœur ne paye pas, ce qui va se passer, c'est que vous ne pourrez pas faire un acte de donation partage. D'accord. Ce sera des actes de donation simple, c'est-à-dire que tous les enfants ne recevront pas leur lot, donc ce sera certainement un petit peu plus cher, puisque au final, si on regroupe trois terrains dans le même acte, c'est moins cher que de faire trois actes pour trois terrains. D'accord, donc vous conseillez d'essayer de payer le troisième acte, quoi ? Ah bah oui, d'un point de vue juridique, c'est la donation partage, comme je l'ai expliqué à une auditrice précédemment, la donation partage fait qu'il n'y aura plus de problème entre vous au moment du décès des parents. Il n'y a pas de compte. Alors que si c'est une donation simple, il peut y avoir un compte au moment du décès d'accord. des parents. Donc il vaut mieux privilégier la donation partage, ça c'est sûr et certain. Parce que là, il y a 1800 euros pour le troisième acte, et donc... Vaut mieux anticiper, quoi. Ah oui, vaut mieux anticiper, monsieur, dans ce cas-là. Et vous avez raison de poser la question ce matin. Alors ça, c'était la deuxième et la troisième. Ah, écoutez, bon, j'ai plus. Bon, très bien. Merci, Marc. Voilà, merci et bonne journée. À bientôt sur Radio Première. Merci à vous. Et puis, on nous pose la question suivante. Peut-on acheter un bien immobilier au nom d'un enfant mineur pour éviter les frais de succession ? Eh bien non, puisque... Non. On doit, si l'on achète le bien immobilier au nom d'un enfant mineur, faire avant l'acte d'acquisition une donation des fonds au profit de cet enfant. C'est-à-dire que le notaire va devoir vérifier l'origine des fonds, c'est-à-dire d'où vient l'argent. C'est la loi Tracfin qui l'oblige à vérifier l'origine des fonds. D'accord. Ouais, ouais. Et à ce titre-là, l'argent qui est utilisé par un enfant mineur, c'est pas son argent, c'est l'argent des parents qui lui est donné. Donc si les parents utilisaient directement l'argent pour financer l'acquisition au nom du mineur, eh bien l'État perd peut-être des taxes de donation. Très donc bien. Ce n'est pas légal. Ce n'est pas légal, Marine. Ce n'est pas que c'est pas légal, c'est qu'il faut passer par l'acte de donation avant la vente. Excusez-moi. Henri qui dit que Henri de Sainte-Marie, question donc au notaire, je suis propriétaire, je voudrais faire une ouverture donc pour l'entrée de voiture sur mon terrain, mais sur une entrée déjà faite chez mon voisin, sachant que le propriétaire habite en métropole. Quelles sont les démarches à faire donc, alors, dans pour le... pouvoir faire l'ouverture? Dans le cas d'André, il va falloir constituer une servitude de passage. C'est-à-dire que le voisin va devoir signer un acte notarié avec lui pour que le passage... puisse être ouvert par cet endroit-là, puisqu'il va passer sur le terrain du voisin. On ne peut pas passer, vous comme moi, si vous aviez un voisin qui venait et qui passait sur votre terrain, ça ne vous plairait pas sans que vous ayez donné votre accord, c'est normal. Donc il faut contacter cette personne en métropole, voir un notaire, et ensuite le notaire fera un acte de constitution de servitude de passage. Et si la personne est en métropole, eh bien on fait dans ce cas-là une procuration. Donc ça ne pose pas de souci. Et il peut refuser alors ce, ah bah bien ce, sûr monsieur, qu'il peut ce monsieur en métropole, il peut refuser. Bien sûr qu'il peut refuser. On ne peut pas obliger un voisin à ouvrir un accès, sauf si la parcelle est enclavée, c'est-à-dire si la parcelle n'a aucun accès à la voie publique. Alors là, oui, par le tribunal, on peut faire une procédure qui s'appelle une procédure de désenclavement pour pouvoir passer sur une parcelle voisine. En général, c'est le chemin le plus court qui est choisi par le tribunal. Ouais, ouais. Mais si c'est juste un accès, plus pratique, si le voisin refuse, on n'a pas de moyen de l'obliger. Henri, donc appelez votre voisin. Et votre notaire. Même si en métropole. Voyez avec lui, s'il vous plaît, et puis votre notaire. On revient juste après l'info de 11h sur Réunion Première. Vous composez le 02 62 99 2000 pour poser toutes vos questions à Maître Jérôme Sidney, notaire. Et puis par SMS au 06 92 70 2000. Hier matin, par un détour, mon ami Marcel, a dit à moi mon premier amour, a demandé à lui mon nouvel. Me l'a dit, ça c'est d'histoire ancienne, puis retourne derrière, les souvenirs y ramènent les belles. Un côté l'ombre, l'autre la lumière. Elle ici, moi, elle reste tout seul. Moi, elle est toujours la case, mon nom. Moi, elle a l'amour maternel. Pour moi, elle est suffisant. Moi, la vie a un choix de vie. Donc, pour une fille, m'y souffre rapide. Zodi, pour moi, la vie, elle est belle. Avec mon maternel. Elle ici, moi, elle reste tout seul. Moi, elle est toujours la case, mon nom. Moi, elle a l'amour maternel. Pour moi, elle est suffisant. Moi, elle a fait un choix de vie. Donc, pour une fille, m'y souffre rapide. Sorti pour moi la vie est belle avec mon maternel. Ce qu'elle est devenue, non, n'y veut pas savoir. C'est le cadet de mes soucis. Matin dans l'arrosoir. Si tu vois mon ami cou, il fait l'aller et j'y au collet. Allez Marcel, sois cool. Dis le temps, la cicatrice m'est faite. Viens ici, moi la reste tout seul. Moi elle est toujours la case, maman. Moi elle a l'amour maternel. Pour moi elle est suffisant. Moi elle a fait un choix de vie. Donc pour une fille, m'y souffre à vie. Sorti pour moi la vie est belle avec mon maternel. J'allais si moi la reste tout seul. Moi elle est toujours la case, maman. Pour tous vos conseils au notaire qui est avec nous ce matin, Maître Jérôme Sidney, vous composez le 02 62 99 2000. Il est 11h sur la première. Le flash, Jean-Paul Mélade, bonjour. Bonjour, c'est les mois au lycée Jean Inglot du Port. Deux enseignants ont été agressés hier par un élève de 16 ans. L'un d'eux a même eu le nez cassé. Le lycéen se serait énervé après une remarque sur son non-respect des règles de sécurité dans l'atelier. Le recteur Velayudom Marimoutou a fermement condamné cette double agression. Il annonce que l'équipe mobile de sécurité va se rendre au lycée Jean Inglot. De plus, un groupe académique sur le climat scolaire sera mis en place. Dernier procès de la semaine aujourd'hui aux assises. René Joie, 38 ans, est accusé du meurtre de son petit-père en 2014 à Montvert-les-Hauts, doublé d'une atteinte à l'intégrité du cadavre. Il se serait acharné sur le gramoun avec ses poings, une marmite et un couteau. Le verdict tombera dans la journée. Hier, un portois de 65 ans a été condamné à 7 ans de prison pour le viol de sa femme et de sa fille. Le coupable parle de complot. C'est officiel, Marie-Hélène Guaraud quittera son poste de directrice du parc national demain 1er octobre. Un arrêté du 28 septembre du ministère de l'Environnement indique qu'elle sera remplacée par le directeur adjoint Emmanuel Braun en attendant le recrutement d'un nouveau directeur. Il n'avait pas voulu quitter la présidence de la Sinor alors qu'elle devait être tournante. Gérald Maillot propose une autre solution, la gouvernance partagée. Il espère ainsi faire revenir Jean-Louis Lagourgue, le maire de Sainte-Marie, et Maurice Gironcel, maire de Sainte-Suzanne, qui boycottent les conseils communautaires depuis février 2016. La semaine dernière, faute de quorum, ce conseil avait dû être reporté. Hier, il a bien eu lieu. On passe au sport avec du handball. On joue ce soir la 6e journée du championnat masculin. 6 matchs au programme. Le leader Château-Morange se déplace à Joinville. La Cressonnière affronte le Port. Le Tampon, la Saline. À suivre également en possession JSB, Saint-Pierre, JS Panonaise et Bois-de-Neuf, Saint-Gilles-Léo. En football, les qualifications pour le Mondial 2018 en Russie continuent. Hier, Didier Deschamps a donné la liste des joueurs retenus pour les deux prochaines rencontres. Et sans surprise, le Réunionnais Dimitri Payet fait partie des 23 qui affronteront la Bulgarie et les Pays-Bas. Des idées de sortie pour ce soir à 17h à Saint-André, lieu d'être, une manifestation chorégraphique en plein air à l'immeuble Station, interprétée par les résidents et la compagnie Act. C'est juste à côté de l'antenne de la sécurité sociale de la ville. Si vous ratez la séance de ce jour, rattrapage demain à 17h, toujours à Saint-André. L'autre idée de sortie, écouter de l'électro-groove au cas à 20h ce soir avec le Chapelier Fou, en première partie Corvec avec Marie Lanfroy. Si vous aimez le cinéma, c'est autre rendez-vous. Ce soir, l'association La Lanterne Magique organise la nouvelle édition de la nuit du cours consacré au court-métrage, bien sûr. Deux thématiques ressortent de la programmation cette année, la famille et l'humour noir. Et demain, journée spéciale Marmaille à partir de 15h30, toujours au cinéma Cambé. C'est pour vous, Claude. 11h03, fin de cette édition. Les infos nationales et internationales avec la rédaction de France Info. C'est une information France Info. L'association La Parole Libérée a recueilli ces derniers mois 400 témoignages de victimes de prêtres pédophiles, des faits qui remontent parfois à plusieurs décennies. Les révélations se multiplient depuis les affaires dans le diocèse de Lyon. C'était en janvier. Près de 9 personnes interrogées sur 10 ne croient pas que la courbe du chômage s'inversera d'ici à la fin du quinquennat, résultat d'un sondage Odoxa pour France Info. Dans cette enquête, 8 Français sur 10 pensent d'ailleurs que le chef de l'État, François Hollande, devrait d'ores et déjà annoncé qu'il ne se représente pas. 8000 policiers dans les rues de Jérusalem, deux fois plus que d'habitude. Les obsèques de l'ancien président et prix Nobel de la paix israélien Shimon Peres ont débuté sous très haute sécurité. Il faut dire que la liste des invités présents est impressionnante. François Hollande, Nicolas Sarkozy, Mahmoud Abbas, le prince Charles, Angela Merkel, Barack Obama également, qui prononcera d'ailleurs le dernier discours de la cérémonie. Le président américain et la chancelière allemande qui ont condamné hier soir les raids aériens barbares de la Russie et du régime syrien. Les frappes sur Alep continuent, des dizaines de milliers de civils sont pris au piège. Les États-Unis menacent la Russie de cesser toute coopération. Vaincre Daesh en Syrie, mais aussi en Irak. Le début de la bataille pour la reprise de Mossoul semble tout proche. Des avions de chasse français ont décollé ce matin du porte-avions Charles de Gaulle. Mossoul est le fief du groupe État islamique en Irak. La Ligue Europa de football, sous les orages, une pluie de buts pour Nice, battu 5-2 à Krasnodar en Russie. Saint-Etienne, de son côté, arrache le nul un partout à domicile contre Anderlecht. France Info. La météo de ce vendredi. Et toujours ces pitons qui conservent un bon ensoleillement, beau temps également dans la région ouest, un peu plus nuageux dans l'est. Et pour l'après-midi, il fera beau du côté de Saint-Leu. Et puis des nuages qui seront sur les pentes et puis du gris, notamment pour la région de la Petite France. Maître Jérôme Sidney, notaire, est avec nous sur la première au 02 62 99 2000 pour toutes les questions et puis par SMS au 06 92 70 2000. À quel moment faut-il rencontrer le notaire? Si vous avez besoin de conseils, est-ce que vous avez déjà surtout pris rendez-vous chez un notaire? On peut revenir sur les droits des héritiers. Si les membres d'une famille ne sont pas d'accord sur un partage, quelles solutions, les démarches à faire? On en parle sur la première. 10h midi, les experts avec Claude Montané. Chance to never ever change. for a breakdown. Never gonna get it, never gonna get it. Never gonna get it, never gonna get it. Never gonna get it, never gonna get it. Never gonna get it. Whoa, whoa, whoa, whoa. Never gonna get it, never gonna get it. Never gonna get it, never gonna get it. Never gonna get it, never gonna get it. Never gonna get it, never get it. Il est 11h10 sur Réunion Première. Retour au direct avec les auditeurs de la Première pour poser toutes les questions, évidemment toutes vos questions, à notre notaire Maître Jérôme Sidney. 10h midi, les experts avec Claude Montané. Gérald de Petite-Île dans le Sud Sauvage, bonjour. Oui, bonjour les experts sur Réunion Première. Alors, on vous entend très mal, Gérald. Allô ? Allez-y. Là, c'est bon ? Ah, beaucoup mieux, Gérald. Ah, voilà. Je voulais poser une question au notaire. Oui, bien sûr. Hein ? Parce que, bon, j'ai acheté un terrain. Oui. Ça fait pas mal de temps. Et comme le terrain qui fait 2700 mètres carrés, et qu'il y avait 10 poissons dessus à un autre côté, c'était pas sur le même terrain. Et que la personne qui a bâti dessus. Comment je vais faire pour récupérer mes 10 poissons ? Maître Jérôme Sidney, alors, pour aider notre auditeur, Gérald. Pour m'éclairer un petit peu sur votre question, vous avez donc acheté un terrain, d'accord ? Oui. Et il y a une partie du terrain qui est de l'autre côté de la route, c'est ça ? Un peu plus bas, ça fait à peu près peut-être 200 mètres. Ouais. Mais comme il y avait une vieille maison dessus. D'accord. Et comme mon papa qui a fait comment quoi, son frère, il n'y avait pas de maison à habiter dedans. Il y avait une petite maison. Ouais, il a laissé son frère habiter sur le terrain. Et vous laissez des étrangers construire sur votre terrain. Et là, c'est il a pris une compagne. Et c'est tous les deux qui sont morts, le tonton et puis la vieille femme qui est morte. Ouais. Et les deux filles qui a bâti chez mon terrain. Alors, dans ce cas-là, monsieur, la première des choses qu'il va falloir faire, c'est faire venir un géomètre pour savoir exactement quelles sont les limites de votre terrain. Et ensuite, ben, vous n'aurez pas d'autre choix que d'aller au tribunal pour faire expulser les gens si effectivement ils sont sur votre terrain sans titre. On appelle ça un occupant sans titre. Occupant sans titre. Ouais. Et moi, excuse-moi, j'ai déjà mesuré le terrain de 2500 mètres carrés, 2600 mètres carrés. C'est bon ? Ben, prendre un avocat tout de suite pour aller faire une procédure au tribunal, monsieur. Il n'y a pas d'autre choix. Hein. Alors, dans un premier temps, c'est faire appel à un géomètre, c'est ça ? Oui, mais si ça a déjà été fait, déjà mesuré. D'accord, ok. On n'a pas le choix que de directement aller au tribunal et de faire une procédure. Donc, il faut aller voir un avocat pour entamer une procédure pour faire expulser les gens qui sont occupants sans titre. Parce que là, en plus, c'est moi qui paye les impôts, c'est moi qui fais tout. Alors là, oui, il va falloir régulariser ça au plus vite, Gérald. Ça fait combien de temps que ça dure, là ? Ça fait pas mal de temps. Hein. Ça fait pas mal de temps ? Monsieur, ça fait au moins une vingtaine d'années. Hein. Monsieur, il ne faut pas laisser la situation comme elle est. Il faut impérativement faire une procédure, vous n'avez pas le choix. Gérald, vous suivez bien ces conseils, s'il vous plaît, d'accord ? Oui, je vous ai écouté. Et par contre, je pourrais les voir pour demander comment ils vont faire. Ah non, monsieur, il faut d'abord entamer une procédure. Et une fois que la procédure sera lancée, vous pourrez toujours leur dire que s'ils veulent, ils peuvent acheter votre terrain. Oui, les 10%. Les 10%, le morceau sur lequel ils sont. Mais en attendant, le risque, si vous allez négocier, c'est qu'ils vont gagner du temps et vous allez vous retrouver dans une situation où les choses ne vont pas plus avancer. D'accord, Gérald ? Ok, mais c'est bon, merci, maître. Voilà, bonne journée. Faites-le, Gérald, faites-le, c'est important. Oui, parce que là... ça m'inquiète parce que moi, c'est moi qui paye les impôts. Ah bah oui, non, mais ça, on l'a bien compris, oui. Allez, allez. Ah, ne laissez pas les choses durer comme ça, d'accord? Ouais, ok, d'accord. Merci, Max. Si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas. Merci à vous, à bientôt. À très bientôt. Nous irons tout à l'heure retrouver au standard Thierry de Saint-André. Anouchka Pépin, gagnante de la saison 1 de Kid Créole sur Réunion Première. Aujourd'hui, découvrez Mon Étoile, son duo inédit avec Pixel. Une incroyable consécration pour la petite réunionnaise. Toi aussi, tu peux vivre ce rêve et enregistrer ton premier single produit par SS Kairon. Tu as entre 8 et 15 ans? Inscris-toi sur le site kidcreole.re avant le 30 septembre et participe à la saison 2 de Kid Créole, le talent show Made in Réunion Première. Ce vendredi, jackpot Euromillion de 130 millions d'euros minimum. Alors imaginez, comme tous les week-ends, vous jouez de la musique... Sur un piano à queue blanc. Accompagné de l'orchestre symphonique que j'ai fait venir chez moi. Puis vous composez... Un opéra intitulé Je kiffe grave. Ah oui? Je kiffe grave! Euromillion My Million, imaginez 130 millions d'euros minimum à Euromillion. À partager au rang 1, voire règlement. FDJ. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13, appel non surtaxé. Première. Les experts, vos questions au 02 62 99 2000. Vos SMS au 06 92 70 2000. Avant de partir sur Saint-Pierre, retrouver Jean-Luc, Thierry est avec nous de Saint-André. Bonjour Thierry. Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour. Alors, vous pouvez prendre votre téléphone, s'il vous plaît, on vous entend de très loin. Voilà. Voilà. C'est une super. Question à poser. Allez-y. Bonjour, Réunion Première. Voilà, j'ai voulu vendre un terrain. Oui. Et je savais qu'il y avait la plus-value, je ne savais pas le montant. Et arrivé chez le notaire, on m'a dit qu'il y a une plus-value de 25 000 euros. Donc... J'ai décidé de le plus vendre. Vous voyez? Oui. Et quelqu'un m'a dit que si je construis sur ce terrain, je fais une petite maison, et après je pourrais vendre une partie de ce terrain, et il n'y aurait pas plus de value. Que c'est vrai? Non. Non. Maître Jérôme Sidney, notaire. On a des exonérations pour la vente de biens qui sont très particuliers. La principale, c'est l'exonération pour résidence principale. Donc oui, si vous construisez une maison dans laquelle vous habitez, là, vous pourrez vendre la maison et le terrain sans payer de plus-value. D'accord, mais pas le surplus de terrain. Non. D'accord. Donc, vous êtes propriétaire de votre résidence principale? Non. Non, j'ai pas de maison pour l'instant. Aujourd'hui, vous habitez où? Mais j'habite chez mes parents. D'accord. Vos parents vous ont pas donné le bien? Non, c'est un terrain que j'ai acheté. D'accord. Qui était en zone agricole, qui a été déclassé il y a à peu près 10 ans. Alors, ok, donc vous allez avoir plusieurs taxes là sur la vente. Vous pouvez éventuellement peut-être avoir une exonération de taxes, alors ça faudra voir avec le notaire. Si vous n'êtes pas propriétaire de votre résidence principale, que vous vendez ce bien pour utiliser les fonds dans le cadre de l'acquisition de votre résidence principale. D'accord. Mais ça n'enlèvera pas la taxe de déclassement, qui est une taxe en plus de la plus-value, donc calculée sûrement dans les 25 000 euros qu'on vous a indiqué. La taxe de déclassement, c'est quand on vend un terrain qui est déclassé depuis moins de 18 ans, la première vente donne lieu à une taxe qui est dite taxe de déclassement. D'accord. À cette taxe s'ajoute une autre taxe, si le terrain a été déclassé depuis 2010, qui est la taxe d'installation des jeunes agriculteurs, qui est une taxe perçue sur les terrains passés d'agricole à constructible et qui est reversée pour l'installation des jeunes agriculteurs. C'est pour ça que tu parlais que le terrain avait été déclassé. Voilà. D'accord. Donc, si j'ai bien compris, je construis ma maison et quand je veux vendre, je vends tout en même temps et là, je n'aurai pas de plus-value. Alors, si vous construisez votre maison... Si vous construisez votre maison, que c'est votre résidence principale, là, c'est sûr et certain que vous n'aurez pas de plus-value. D'accord. Et ils m'ont dit qu'il faut habiter dans la maison plus d'un an avant de vendre, pour ne pas payer de la plus-value. Alors déjà, je vois que vous avez pris des renseignements permettent d'avoir quelques petites idées pour essayer de ne pas payer trop d'impôts. Bien sûr, parce que je paye la taxe foncière, j'aide mes parents à payer la taxe foncière. Bien sûr, mais ça c'est une autre taxe. Bien sûr. la plus-value, la résidence principale, effectivement, vous ne pouvez pas construire votre maison, habiter un mois dedans et la vendre en disant que c'est votre résidence principale. Il y a un délai. La loi ne fixe pas de délai expressément, mais il y a un délai minimum. Il faut savoir que si vous avez un contrôle fiscal, le contrôle fiscal, il est fait par une personne comme vous et moi. Oui. D'accord ? Donc, qui réfléchit un petit peu. C'est pas fait par un robot. Oui, et oui. Que la personne qui va faire votre contrôle fiscal pour vérifier que c'est bien votre résidence principale, si elle voit que vous avez bâti la maison et qu'un mois plus tard, vous vendez, bah, c'est évident ah que... Ah non, je vais attendre un an. Voilà. Je vais me déclarer, je vais mettre de l'électricité, l'eau... Et il faut habiter dedans, monsieur. Parce que je suis dans un impasse, oui. Je suis obligé de vendre quelque chose. Donc, je serai obligé de construire et de tout vendre. Parce que il faut... Voilà. Eh ben voilà. Quitte à racheter ailleurs après, voilà. Parce que là, je suis dans un impasse, il faut absolument une entrée d'argent. Et voilà. Ben, si c'est possible, je vais faire comme ça. Eh bien voilà, monsieur. Thierry, merci. Merci, au revoir. Merci, merci à vous. J'ai acheté un terrain agricole en 1985. Depuis, j'ai suivi le bornage que l'ex-propriétaire m'a montré les limites. Je viens de faire un bornage avec un géo, donc un expert géomètre. Il me dit qu'une partie ne nous appartient pas, car ça fait trop de 1500 mètres carrés vu de l'acte notarié. Merci de me répondre, maître. Eh bien, si dans l'acte notarié, on a acheté 1500 mètres carrés et qu'au final, quand le géomètre vient, il y a 3000 mètres carrés, effectivement, c'est qu'il y a un problème de limite. Alors après, là, répondre à l'instant sans connaître le dossier pour savoir d'où vient le problème de limite, j'en suis incapable. Mais il faut que la personne se déplace chez un notaire avec ses actes, voir les documents qui ont été établis par le géomètre. Parfois, ça peut être un problème cadastral. Il peut y avoir plein de raisons. Michael de Saint-Denis, dans le cas d'une donation transgénérationnelle à un seul petit enfant, ses frères et sœurs ont-ils le droit à quelque chose? Alors, qu'est-ce que c'est que la donation transgénérationnelle? Alors, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est une donation des grands-parents directement aux petits-enfants. Aux petits-enfants. Alors, ça ne change pas les règles du respect de la réserve héréditaire, c'est-à-dire que le notaire, au moment de la donation, doit informer les parties sur la réserve héréditaire, c'est-à-dire qu'on ne peut pas tout donner à un seul enfant. Si on transmet tout à un seul enfant ou à un seul petit enfant, eh bien, dans ce cas-là, au moment du décès des parents, il y aura des problèmes. Au moment du décès des grands-parents, pardon. Et donc le conseil ? Le conseil, voir le notaire pour faire bien attention à respecter la réserve, c'est-à-dire on ne peut pas déshériter ses enfants en transmettant tout à un seul enfant. Voilà, Michael. Jean-Luc de Saint-Pierre est avec nous. Bonjour, Jean-Luc. Bonjour tout le monde. Bonjour. Voilà, mes parents m'ont fait une donation d'un bien, d'un terrain, et ils ont mis des clauses dedans, comme quoi je n'ai pas le droit de vendre à un étranger, sauf mes frères et sœurs, et j'ai le droit de vendre aussi 7 ans après leur mort. Est-ce que je peux faire une donation à mon fils ? Alors, il faut voir dans votre... Dans votre acte, oui. Qu'est-ce qui est stipulé ? S'il n'y a rien qui interdit la donation, oui. Alors dans ce cas-là, vous pourrez donner à votre fils. Mais il faut aller voir un notaire et regarder les clauses qui sont stipulées dans l'acte pour savoir si vous pouvez faire la donation ou non. D'accord. Voilà les clauses dans l'acte, alors. Voilà, monsieur. D'accord. Bon, merci beaucoup. C'est rapide. Merci à vous, Jean-Luc. À très bientôt. René de la Possession, on a fait construire avant notre mariage. C'était ma future femme qui était emprunteuse principale, moi co-emprunteur. Et maintenant qu'on est mariés, est-ce qu'il y a quelque chose à faire, maître ? Alors non, il n'y a rien à faire. L'acquisition, il faudra voir dans l'acte quelles ont été les proportions d'acquisition. Et si un jour il y a un problème, un divorce ou quelque chose comme ça, le notaire ou la personne qui vérifiera les mouvements de capitaux pendant la durée du régime matrimonial, pendant la durée du mariage, eh bien, on vérifiera quels ont été les mouvements de fonds et si il y a lieu à un remboursement par l'un ou l'autre. Tout simplement. Tout simplement. D'accord. Il reste très peu de temps pour contacter Mathias au standard de Réunion Première, 02 62 99 2000 pour toutes les questions en direct et puis par SMS au 06 92 70 2000. Maître Jérôme Sidney, notaire, est avec nous sur la Première. J'ai laissé sonner une heure pensant que mon heure avait sonné. J'ai laissé tous les bonheurs pendant ce temps-là, tu m'oubliais. J'ai laissé sonner une heure pensant que mon heure avait sonné. Moi je t'attendais dehors pendant ce temps, tu m'oubliais. C'est fou peut être con. L'amour rend parfois trop bon. Parfois trop. On chasse ce qu'il y a de pire. Pour croire et pour s'épanouir. Parfois trop. J'ai laissé sonner une heure pensant que mon heure avait sonné. J'ai laissé tous les bonheurs pendant ce temps-là tu m'oubliais. J'ai laissé sonner une heure pensant que mon heure avait sonné. Moi je t'attendais dehors pendant ce temps tu m'oubliais. À ta porte je me revois. Les fleurs à la main je l'aperçois. Une autre que moi. J'ai laissé sonner une heure pensant que mon heure avait sonné. J'ai laissé tous les bonheurs pendant ce temps-là tu m'oubliais. J'ai laissé sonner une heure pensant que mon heure avait sonné. Moi je t'attendais dehors pendant ce temps tu m'oubliais. Pensant que mon heure avait sonné. J'ai laissé tous les bonheurs pendant ce temps-là tu m'oubliais. J'ai laissé sonner une heure pensant que mon heure avait sonné. Moi je t'attendais dehors pendant ce temps tu m'oubliais. L'heure avait sonné, l'heure a sonné, évidemment, pour retrouver Agnès de la Possession au téléphone. Bonjour Agnès. Bonjour. Bonjour, Maître Jérôme Sidney, notaire est à votre écoute. Oui, voilà, je vous téléphone pour, étant épouse de mon mari, ouais. Je voudrais savoir s'il a intérêt, que c'était que son père lui a transmis un terrain. Ouais. Étant épouse, il a son lac tout, mais même si je... Est-ce que étant... Quand il sera plus là, que je serai toujours... je ferai partie de ce terrain-là. Maître Jérôme Sidney. Alors, est-ce que monsieur a des enfants? Oui. Avec vous ou d'un premier mariage? On a trois, et puis il a un premier, pas mariage, mais il porte son nom. D'accord. Donc il y a un enfant hors mariage. Oui. D'avant le mariage. Dans ce cas-là, madame, il va être important que vous fassiez déjà une donation au dernier vivant, que vous fassiez donation au dernier vivant pour pouvoir avoir la jouissance des biens de votre mari. D'accord. D'accord. Et oui. De toutes les façons, au moment du décès, en tant qu'épouse, vous avez droit à quelque chose dans la succession de monsieur. D'accord. Dernier enfant, vous dites dernier de moi, alors, étant mariée, étant mère de trois enfants. Alors oui, en tant qu'épouse, vous avez droit à quelque chose dans la succession, mais pour être protégée au mieux, sachant qu'il y a un enfant hors mariage, dans votre cas, il faut voir un notaire pour signer une donation au dernier vivant. Ça coûte un peu moins de 500 euros et c'est un acte qui vous permettra d'avoir la jouissance sur tous les biens de la succession de monsieur. D'accord. Donc, voyez rapidement un notaire pour voir ça, madame. D'accord. Je vous remercie. Merci à vous, Agnès. À très bientôt sur Réunion Première. Avant d'avoir Bernard de Saint-Paul, petite réaction par SMS au 06 92 70 2000 sur Réunion Première. Je n'ai ni femme ni enfant, mais avec des demi-sœurs. Et la question, Maître Jérôme Sidney, notaire, je ne veux pas qu'elle soit héritière donc de ma villa. Et sa question est la suivante. Est-ce que je peux faire une donation de ma maison à une association? Bien sûr. C'est possible de faire une donation ou de faire un testament. Ouais. Testament qui s'appliquera au moment du décès. alors que la donation se fait aujourd'hui. Monsieur pourrait donner la jouissance, garder la jouissance, pardon, et donner la nue propriété à l'association, association qui deviendra plein propriétaire au décès de monsieur. Ou alors faire un testament pour qu'au décès de monsieur, sa villa revienne à une association. Alors Bernard est avec nous. Bonjour Bernard. Oui, bonjour. Merci d'être là. Vous souhaitez réagir sur la donation, c'est ça ? Oui, tout à fait. Donc, je me suis remarié en 2013 et j'ai construit une maison sur Saint-Paul. Et je voulais savoir, puisque j'ai un enfant avec cette campagne, et on a fait, si vous voulez bien, dans la construction, il y a un partage de 70-30. Et je voudrais que madame passe à 100, enfin 100%, je dirais que lors de mon décès, je voudrais quand même que, voilà, que ça se passe comme ça. Est-ce que c'est possible ? Quel est le coût ? Alors, est-ce que déjà vous avez des enfants avant l'enfant que vous avez eu avec madame ? Oui. Oui, eh bien dans ce cas-là, la seule solution, c'est que madame rachète votre part et vous paye effectivement l'acquisition. D'accord. C'est-à-dire qu'il faut chiffrer la valeur réelle des 70% que vous allez lui vendre et il faut qu'elle vous l'achète réellement. D'accord, et quel coût ça, enfin, Il faut faire évaluer le bien, et puis le coût ensuite est tarifé par l'État. C'est l'État qui détermine les frais que vous allez avoir à payer. Mais si vous donnez les 70% à madame et qu'il n'y a pas d'autres biens au moment du décès, eh bien vous n'aurez pas respecté la loi, vous n'aurez pas respecté ce que l'on appelle la réserve, c'est-à-dire les enfants que vous avez eus du premier lit ont des droits dans votre succession, et vous ne pouvez pas leur retirer les droits que la loi leur réserve. Enfin, moi, en gros, voilà, je ne veux pas que pour mes enfants... J'ai compris. C'est bien pour ça que ce que je vous explique, vous ne pouvez pas faire une donation. Si vous faites une donation, au moment de votre décès, les enfants du premier lit demanderont à madame leur part. Si vous faites une vente, que tous les sous sont dépensés, que vous partez en croisière, que vous faites ce que vous voulez avec les sous, vous en ferez ce que vous voulez. S'il n'y a plus d'argent, le bien aura été vendu. Que ce soit vendu à madame ou un tiers, ce n'est pas un problème. Par contre, il faut vous assurer impérativement que le prix est bien réellement payé. Si le prix n'est pas payé, dans ce cas-là, c'est ce qu'on appelle une donation déguisée. Et ce n'est pas parce qu'on appelle... Si vous avez un mur qui est noir, ce n'est pas parce que vous écrivez sur le mur qu'il est blanc... que le mur va devenir blanc. Donc de la même manière, dans l'acte, si vous mettez que c'est une vente et que le prix n'est pas payé, si le prix n'est pas payé, ce n'est pas une vente, même si vous l'appelez vente. Oui. C'est une donation. Donc, il faut faire attention. Bon, très bien. Voilà Bernard. Très bien, merci beaucoup. Merci à vous. Et puis nous allons terminer avec Thierry de Saint-André. Bonjour Thierry. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, ça va ? Ça va Thierry ? Oui, moi je vous écoute Télévue du matin au soir. C'est très gentil, c'est gentil. Et vous avez une question ce matin pour notre notaire. Oui, c'est exactement. Même deux, je dirais. Allez-y, monsieur. La première, c'est que comme on a mon père un terrain, celle-là, sa maison qui habite dessus actuellement, et comme on est à quatre enfants, et comme le terrain n'est pas grand, donc il veut qu'il y a un des enfants achète. Est-ce que si, par exemple, moi, je fais l'achat en tant que vivant, que mon père est encore vivant, et suite à sa mort, est-ce qu'il y aura des problèmes avec les autres enfants ? Que faire ? C'est ça. Alors, que faire ? On a deux situations. Comme l'auditeur précédent, soit la vente est faite au prix normal, comme si elle était faite à un étranger, et le prix est réellement payé, et le père ensuite garde l'argent, le dépense ou le partage entre ses enfants. Dans ce cas-là, vous pouvez faire l'acquisition sans aucun problème. Dans votre cas, j'aurais tendance à vous conseiller de privilégier plutôt une donation par votre papa aux quatre enfants. Et vous, vous faites un chèque à chacun de vos frères et sœurs puisque vous récupérez la maison. C'est préférable. Il y aura moins d'histoires au moment du décès du papa. Autre solution. Mais s'il veut faire, par exemple, qu'un achète et après lui, il décide de ce qu'il en fait et tout ce chose. Oui, vous pouvez le faire sans aucun problème. Mais si vous achetez la maison, il faut faire expertiser la maison pour être sûr que la maison... Pour être sûr que la maison soit bien vendue à votre profit à la bonne valeur, parce que si on diminue la valeur du bien pour que vous payiez moins cher, en fait, c'est comme si votre papa vous donnait une partie du bien. Et s'il vous donne une partie du bien, les frères et sœurs qui n'auront pas leur part au moment du décès pourront faire une procédure contre vous. D'accord. Et pour le tarif, c'est quoi avec le notaire, non ? Voilà, il faut que vous fassiez chiffrer chez le notaire le tarif. Okay. Et si est-ce que vous auriez possibilité de, au niveau de l'achat du moins, de mettre dans la clause comme quoi que j'achète en même temps de construire une maison dessus? Alors comment ça, vous achetez en même temps de construire une maison dessus? En fin de compte, si vous voulez, sa maison n'est pas totalement terminée, si vous voulez. Oui. Il vit dans une maison qui n'est pas finie, si vous voulez. Oui. Et moi, si j'achète, je veux que en même temps j'achète. Comme ça, je ferai le concours pour pouvoir faire une bonne petite maison pour mon père et ma mère, quoi. Qu'ils puissent finir ses jours dans une maison terminée correctement. Eh bien, ce que vous pouvez faire, c'est vous faites estimer la maison par un professionnel, par un notaire ou par quelqu'un d'autre. Et puis ensuite, vous faites un constat d'huissier pour bien qu'on voit que la maison était en mauvais état. Ce qui va valoriser le fait que peut-être ce soit vendu un petit peu moins cher. Et ensuite, ben, on verra bien au moment du décès. Vous, faut garder toutes les traces des travaux que vous faites. Faut garder toutes les factures. Faut essayer de tout garder pour que s'il y a un problème au moment du décès, ben, vos frères et sœurs voient bien que c'est vous qui avez payé les travaux. Oui, non, ça, c'est pas que... Non, j'achète le terrain. Oui. En même temps, je fais construire une maison. Donc, y a-t-il possibilité, malgré qu'il est encore vivant, si vous voulez. Ah oui, c'est tout à fait possible. Dans la vente, il peut vous autoriser. Mais une fois que vous êtes propriétaire, je vois pas où est le problème. Une fois que vous êtes propriétaire, vous pouvez construire une maison. Ah ok, d'accord. Non, c'est juste pas ça. Comme il vit dans une maison qui n'est pas finie, bon, si vous voulez bien, c'est un genre de cadeau que je les offre. D'accord. Bah, c'est bien, c'est très bien, c'est très bien. Au contraire, c'est pour ça que je vous dis. Dans une maison terminée, quoi. Vous pouvez tout à fait, une fois que vous êtes propriétaire, construire une maison sans forcément que le vendeur vous y autorise dans l'acte. Si la loi, si vous êtes dans une zone constructible qu'il est possible de construire, eh bien le vendeur n'a pas son mot à dire sur la construction que vous avez à faire. Alors maintenant, c'est votre papa, donc il faut prendre soin un petit peu et voir avec lui pour arrondir les angles. Voilà Thierry. Non, en fin de compte, mon but, c'est ça, quoi. Je vous remercie. Vous suivez les conseils. Merci à vous, à bientôt. Merci, merci. Alors, vous êtes très nombreux à nous laisser des réactions par SMS au 06 92 70 2000. On peut pas tous les donner tous ces messages, mais on les garde pour la prochaine fois, promis, puisque vous reviendrez, maître Jérôme Siné, notaire. On va quand même revenir sur l'information très importante. C'est demain, donc, ces rencontres notariales. Bien sûr, donc demain, dans les mairies ou dans des bureaux situés à proximité des mairies, les notaires de Lille viennent répondre aux questions de tous les réunionnais de 9h à 13h dans toutes les communes à l'exception d'Étang-Salée, Saint-Philippe et Sainte-Rose. Donc dans toutes les autres communes, vous trouverez des notaires à votre disposition pour répondre à vos questions, aux questions des réunionnais, demain toute la matinée. De 9h à 13h et tous les lieux de consultation sont à retrouver sur le nouveau site internet de la Chambre des notaires de La Réunion, www.chambre-reunion.notaire.fr. Tout à fait, et dans les journaux d'aujourd'hui, vous avez également un encart qui a été prévu pour renseigner les gens sur les endroits où les notaires consulteront demain. Et si vous avez un compte Facebook, vous allez sur la page donc des experts de Réunion Première et vous aurez la liste de ces endroits. Merci beaucoup, maître Jérôme Siné, notaire. À très bientôt sur Réunion Première. Merci encore. 10h midi, les experts avec Claude Montané. Mais n'est pas songé mon mensonge, mon fait clair. Oui, n'est pas songé mon mensonge, mon douleur. Mais n'est pas songé mon mensonge, mon fait clair. Oui, n'est pas songé mon mensonge, mon douleur. Et maï, mon fond de cœur, et maï. Il tape mon malheur. Kakaï, den sixième, et kaï. Kakaï, mon bonheur. Trompe pas, bibi, Jaco, ayo. Crie, crape, si mon pot. Trompe pas, bibi Jaco, ayo. Crie, craque de Simon Po. Crie, craque Simon Po. Crie, craque de Simon Po. Crie, craque Simon Po. Crie, craque de Simon Po. Nena songe mon mensonge en lumière. Oui, nena mon dieu, mon dieu, la rouvert. Mais n'est pas songé, maman, songé en lumière. Oui, n'est pas mangé, maman, mangé la rouvert, il s'en bat. Donne mon cœur, il bat pas. Mais s'en bat contre mon cœur. Et qu'a pas, y'en s'éclaire, ouai, aïe, aïe. Et qu'a pas, mon l'honneur. Tromba, bibi, jaco, wayo. Cri, craque, si mon pot. Trompa, bibi, jaco, ayo. Cri, croque dessus mon pot. Cri, croque sur mon pot. Cri, croque dessus mon pot. Cri, croque sur mon pot. Cri, croque dessus mon pot. Trompa, bibi, jaco, ayo. Cri, croque sur mon pot. Trompe pas, bibi Jaco Wayo. Cri, craque sur mon pot. Cri, craque sur mon pot. Cri, craque sur mon pot. Cri, craque sur mon pot. Mais n'est-ce pas songé, maman. Cri, craque sur mon pot. Mais n'est-ce pas songé, maman. Cri, craque sur mon pot.

Première, il est 11h50, les avis de décès. Les avis de décès avec Réuni Solidarité, Mutuel Obsèque et Complémentaire Santé. Décès de Madame Sanasama Dalama Marie Raymond. Madame Sanasama Dalama Marie Raymond, décès survenu à l'âge de 87 ans. Le convoi sortira de son domicile au 310 rue Marius et Harry Leblon au tampon. La levée de corps se fera aujourd'hui à 15h au domicile. La bénédiction à 15h30 dans l'église du 12e kilomètre. Et l'inhumation au cimetière de Saint-Pierre. Décès de Madame Boule, née Brunox, Denise Marie-Claude, dite Didi. Madame Boule, née Brunox, Denise Marie-Claude, décès survenu au tampon à l'âge de 78 ans. Le convoi sortira de la chapelle ardente de Piton, Saint-Leu-Stella, aujourd'hui à 14h30. La bénédiction aura lieu en l'église de Saint-Gilles-les-Bains à 15h30. L'inhumation au cimetière de Saint-Gilles-les-Bains. Décès de Monsieur Laurent Benjamin Yvon, dit Grand Yvon. Laurent Benjamin Yvon, décès survenu à l'âge de 87 ans. Le convoi sortira du 7 rue Bernard Clavel au Bras de Ponto au tampon. L'inhumation se fera au cimetière de Bras de Ponto. Décès de Monsieur Anceli Floriste. Monsieur Anceli Floriste, décès survenu à l'âge de 61 ans. Domicilié au 167 chemin Combava, donc chemin Montrepos à Boisneuf-le-Saint-Paul. La veillée a lieu au domicile au 167 chemin Combava. La bénédiction se fera en l'église de la Rivière des Galets aujourd'hui à 15h. L'inhumation au cimetière de la Possession. Décès de Monsieur Ferrer Georges et Paul. Monsieur Ferrer Georges et Paul, décès survenu à l'âge de 75 ans. Le convoi sortira de son domicile au numéro 44, rue du Père Collineau à Trois-Bassins, aujourd'hui à 15h30. La bénédiction se fera en l'église de Notre-Dame des Sept Douleurs de Trois-Bassins à 16h. L'inhumation au cimetière de Trois-Bassins. Décès de Madame Orange Marie-Lucette Nédaride. Madame Orange Marie-Lucette Nédaride, décès survenu à l'âge de 86 ans. Le convoi sortira de son domicile au 2 chemin des Rosiers à Vincent de Saint-Joseph, aujourd'hui vendredi 30 septembre. La bénédiction aura lieu en l'église de Vincent de à 16h. L'inhumation au cimetière de Vincent de. Décès de Madame Mathilon née Bré, Charlotte Victorine, décès survenu à l'âge de 78 ans. Le convoi sortira au centre funéraire de Prime samedi 1er octobre à 10h30. La bénédiction se fera au centre funéraire de Prime à 9h. L'inhumation au cimetière de Bois-Rouge à Sainte-Marie. Décès de Monsieur l'Allemand Joseph Jean-Luc, employé communal. Monsieur l'Allemand Joseph Jean-Luc, décès survenu à l'âge de 61 ans. Le convoi sortira de son domicile au 208 CD3 au Plate à Saint-Leu, aujourd'hui vendredi 30 septembre à 14h. La bénédiction se fera en l'église du Plate à 15h, l'inhumation au cimetière du même lieu. Décès de Madame Bonamie Alexia. Madame Bonamie Alexia, décès survenu à l'âge de 91 ans. Le convoi sortira de son domicile au 30 rue Montée des Veuves à Sainte-Marie, aujourd'hui à 14h30. La bénédiction se fera en l'église de Sainte-Marie à 15h. L'inhumation au cimetière de Sainte-Marie. Décès de Madame Attec Claude Nicole. Madame Attec Claude Nicole, décès survenu à l'âge de 51 ans. La veillée se tient au centre funéraire de Prime. Donc, le convoi sortira du centre funéraire de Prima aujourd'hui. La bénédiction se fera en l'église de Saint-Jacques. Décès de Monsieur Turpin Michel Roser. Monsieur Turpin Michel Roser, décès survenu à l'âge de 65 ans. Le convoi sortira de la chapelle ardente du Tampon aujourd'hui à 15h30. Une prise de parole a lieu à la chapelle ardente du Tampon à 15h. Pas de bénédiction. L'inhumation au cimetière du Tampon. Et le décès de Madame Payette Thérèse Scolasti. Madame Payette Thérèse Scolasti, décès survenu à l'âge de 74 ans. Le convoi sortira de son domicile au 38 bis rue du Docteur Schweitzer, donc à la rivière Saint-Louis. Aujourd'hui à 13h, la bénédiction se fera en l'église de la Rivière à 13h30. L'inhumation au cimetière du même lieu. Réunion première présente aux familles endeuillées, ses sincères condoléances. Les avis de décès avec Réunis Solidarité, Mutuel Obsèque et Complémentaire Santé. La chorale Loukanouzik du comité Valentin Oui de la Réunion et de l'Océan Indien qui reprend ses répétitions hebdomadaires demain samedi 1er octobre. C'est à la médiathèque de Sainte-Marie de 9h30 à 11h30. Les personnes intéressées par la variété française et la musique créole sont invitées à les rejoindre. Alors pour tout contact, vous appelez Madame Suzelle Ferrer au 06 93 93 89 48 ou alors le 06 92 73 17 13 ou le bureau 02 62 61 41 27. Puis collecte de sang pour aujourd'hui, vendredi 30 septembre. Ça démarre donc à 12h30. C'est au centre commercial Jumbo Savannah, donc la collecte de l'EFS, l'établissement français du sang. Jumbo Savannah à Saint-Paul, de 12h30 à 17h. Fidélité à Réunion Première, il est midi. Le journal Jean-Paul Mélade, bonjour. Bonjour, voici les titres. Deux professeurs agressés au lycée Jean Englot au Port par un jeune d'à peine 16 ans. Conséquence, un nez cassé et un bras contusionné pour le professeur de génie civil. Son collègue a essuyé quelques coups au passage. Plainte a été déposée.